Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Vidéo Nasties. Chaque semaine, voyez avec moi certains des films les plus gore, les plus trash, mais surtout les plus censurés de l'histoire du vidéo. Découvrez les films bannis pour leur atrocité et pourquoi ils ont été censurés. Mais avant tout, c'est un show pour les fanatiques du cinéma d'horreur. Venez prendre un bain de sang avec moi tous les mercredis dès 21h sur douteux.tv. On est éditorialiste en sacrement. Ah ouais, ça n'a pas marché. Salut tout le monde, Tommy Godette au micro, flanqué de Bruno l'Incroyable et de La Merveille Masquée, alias Bendy Jacques. Andy, j'ai entendu dire que t'es rendu une superstar de la danse érotico-chic. Oui. D'ailleurs, je me représente encore samedi, si vous êtes bienvenue aux dames. Je montre mon fessier magnifique doré. Oui, garni d'une affaire faite maison. Un fessier garni d'une affaire faite maison. Ça vaut la comme peine. Comme une tarte, genre. C'est facilement les minutes orgasmiques les plus fantastiques. Il l'a fait. T'as combattu l'adversaire. On a notre ami Préjean à console, cette semaine d'ailleurs. Bonsoir. Il y a encore la voix de Dieu. Bon, c'est vrai, il faut prendre l'habitude. Oui. Moi, tant qu'être Dieu, je me sens, j'en profiterai. J'en profite ce soir, j'ai des surprises pour toi, Tom. Oh yes, des surprises. Des surprises de Dieu. D'ailleurs, parlant de surprises, moi, j'ai vraiment plein de cœur gros ici pour mentionner le fait qu'on est mercredi qui s'en vient, le 15 à Sainte-Thérèse, au Saint-Graal, pour la première représentation de la fabuleuse tournée multidisciplinaire de douteux.org. Tant qu'à faire les pubs, on va toutes les faire d'un coup. Ça devrait être assez amusant. On m'a promis des tounes de Simon Préjean. On m'a promis aussi qu'il était pour avoir un encan sur place. D'ailleurs, on va sortir la petite boîte de cassin. Promis. Oui. Il devrait avoir toutes sortes d'amis. Donc, amenez-vous, amenez ceux que vous connaissez, amenez ceux qui nous connaissent pas, amenez ceux qui nous connaissent. C'est au profit de l'organisme pour continuer à acheter du tape pour réparer la console. La console. Ce sera intergalactique. Intergalactique, oui. Vous vous souvenez de Richard Pryor, vous vous souvenez de Michael Bolton. Qu'est-ce qu'ils ont ces deux-là en commun? Ben, ils furent au début de ma réflexion de cette semaine que je vous impose ici présentement. Parce que si on se souvient bien, Michael Bolton et Richard Pryor sont des génies de l'informatique qui ont découvert un truc ingénieux pour se faire de l'argent, l'esprit tranquille, quoique malhonnêtement. Leur plan, il était simple, tu sais, c'était de faire dévier les fractions des centimes de dollars dans un compte secret en banque là, où il était propriétaire. Là. Bien que Michael s'est trompé d'une décimale, les deux devaient être très riches, du moins l'espace d'un instant, grâce à cette manipulation des livres de compte virtuels. Tu sais, puis tout est rendu virtuel, tout est comme... La moitié de l'argent, mais en fait beaucoup plus, la majorité de l'argent, c'est juste des chiffres dans des comptes, et puis les gens s'échangent des probabilités et tout, puis le monde est géré pas mal par ça. Donc oui, dans un cas comme dans l'autre, je parlais de fiction, soit de Superman 3 et d'Office Space, mais dans notre monde, elles existent quand même, ces fractions de scènes-là. À qui ça va, ça? Je pense pas que je vais trouver la réponse dans ma tête. C'est peut-être pas la meilleure place à chercher. T'as essayé de googler? Moi, en tout cas, pour avoir vraiment fait l'enquête avec moi-même, j'en suis vraiment venu à la conclusion formelle que c'est une autre preuve de l'existence et de l'action nocive d'Umbrella sur nos vies. Umbrella, l'entité à laquelle Satan et Dick Cheney réfèrent comme maître et à qui on doit l'Inquisition et Wall Street. Ajustez contre Umbrella dès maintenant, paniquez le plus souvent possible, en pointant l'horizon et en hurlant. Et ne faites confiance à personne, car tous les sceptiques sont des employés d'Umbrella et tous les représentants de la loi à sa solde. Nous sommes perdus. Faites comme moi, pointez l'horizon en hurlant. C'est la seule manière de s'en sortir tous ensemble. On peut peser sur donner aussi sur le site de douteux.org. Nous, tous les fonds, ça va à combattre Umbrella. Et voilà. Et sinon, ben, le film de ce soir, c'est l'excellent Force d'Élite. Force d'Élite, peux-tu nous mettre le premier bout, mon excellent Dieu? Si on a Dieu de notre bord, bien on n'a pas d'Umbrella. Vraiment, vraiment, que je me dégage sur moi, t'as que Dieu ait des problèmes techniques. Non, ça allait bien. Mais qu'est-ce que t'attends, mec? La faute à écoutez ça, écoutez ça. Tu veux que je te dise? Raisonne comme un homme, déplace-toi comme un chat. Et voilà, c'est la thématique qui revient souvent dans le film. Si tu le mets au deuxième temps séquence, on va comprendre ce que ça veut dire. OK. Mais ouais, c'est ça, on est en Dieu début de film. Qui est pas familier avec l'ordinateur. C'est un film vraiment fabuleux, ça, parce qu'avant la 20e minute, on a eu un flashback du Vietnam, une séquence de rage dans une cage, une séquence de une passe de blonde, une passe de bureau, une passe de mise en calvaire. Ouais, c'est plus... Une passe de ressentiment dans le sang? Ouais, celle-là. Okay. vas-y. Donc, le chat... Ah, c'est pas une pause de doigts, tabarnak, m'en rappelle. C'est de la mode, fais un signe. Police! C'est un excellent film, on va en reparler plus tard dans l'émission. Bruno a des nouvelles, il y a Bernacchi qui s'en vient, on a Fred Fournier aussi qui va métro flirter sûrement. Là. Hein? Il dit ben ouais. Dire que ouais. Et voilà. Donc on se lance un gros 70%. C'est quoi tu nous mets en premier? Si tu es nos pénis lancés de laser ou t'as une surprise? Tommy, tu devras subir mon courroux. Je mets ton clip préféré ce soir. Parce que je peux, parce que je suis Dieu. Voici pour toi, Ace of Base. Wouhou! À 70%! Sur douteux.tv. La télé des délaissés. Puis Ace of Base. Tu vois qu'il est fort, Dieu, hein? voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Finalement, fait que ça sert vraiment à rien que je fasse toutes ces choses-là. Hey, même ça met le mood. Ouais, c'est vrai, le mood dans lequel tu la prépares. Hey, même le thème de tes nouvelles n'a pas. T'as vu, il faisait des phases ben ouais, de signes. Même. Là. Des ça, ça a dû prendre au moins un quart d'après-midi. J'essaie de pas trop me concentrer, personnellement. Je savais que tu serais content, Tom. Ouais, va chier, Dieu. Ah, OK, on va y aller en nouvelle suite. John Goodman, pas l'acteur. Ouais. Donc, on recommence. John Goodman, fondateur d'un club de polo, a adopté Heather LaRusso Hutchins, sa copine de longue date, dans ce qui semble être une manœuvre pour protéger des avoirs contre une poursuite au civil. Le 12 février 2010, Goodman, au volant de sa voiture, était en état d'ébriété, a brûlé un stop et happé et tué Scott Patrick Wilson. Oh non! Ouais. Le procès devrait avoir lieu le 27 mars prochain. Le juge Glenn Kelly avait préalablement statué que les dépôts de Goodman que Goodman avait fait pour ses deux enfants ne pourraient être considérés comme faisant partie de ses avoirs financiers si le jury décidait de donner des dommages-intérêts au Wilson. Selon les documents d'adoption, Hutchins a immédiatement droit au tiers de ses dépôts puisqu'elle a plus de 35 ans. Selon les avocats de la famille Wilson, Goodman pourrait demander à sa copine de retirer cet argent. Par cette manœuvre, il possède maintenant un tiers de ses dépôts. Dan Bachi, l'avocat de Goodman, affirme que le but de l'adoption était d'assurer la plus grande stabilité pour sa famille et ses investissements familiaux. Il ajoute que ça n'a rien à voir avec la poursuite en instance contre lui. Le juge Kelly affirme que ces événements frôlent le surréel et mènent la cour dans un Twilight Zone légal. Mmh. Effectivement. Goodman pourrait faire face à 30 ans de prison. Ouh! Mais même, tu chauffes pas quand t'es sous, même quand t'es une star, mais ça. C'était pas le. Non, mais pas l'acteur. Ah. J'ai les au début. Ben non, mais après ça, tu m'as perdu avec des chiffres et des affaires d'avocat. Ben ouais, c'était complexe. Bien, il sort de 5, man. Voyons donc, donne-moi une chance. Fait que l'acteur a tué ça. Non. Tu pognais ça, Whoopi Goldberg est morte? Ouais, la chanteuse, là. Ouais, la chanteuse, là. C'est pas Michelle Obama? Non, c'est... we'll always love you. Vas-y, madame. Ah, ouais. Non, mais, je vous explique la tactique de la radio. S'ils en font jouer autant après le décès d'une vedette, c'est pour pas qu'on s'ennuie. Ouais. le mouvement gay veut déclarer une journée officielle. Pas facile. On va avoir une deuxième. Vas-y. D'accord. Berlin Allsept est entré dans un magasin à 1$ de Dayton en Ohio dans l'espoir d'y faire un vol à main armée. Selon les dires de la caissière, l'homme de 59 ans se serait approché du comptoir et aurait marmonné quelque chose d'incompréhensible. Elle lui aurait alors demandé si elle pouvait l'aider à plusieurs reprises. L'homme aurait finalement parlé plus fort et confirmé que c'était un hold-up et qu'il voulait l'argent. Il aurait ensuite sorti une balle de calibre 38 de sa poche afin de donner du poids à son argument. La caissière lui aurait alors affirmé qu'elle ne pouvait pas ouvrir le tiroir caisse sans le gérant et Alcept est sorti. Il a été intercepté quelques rues plus loin par les policiers qui ont noté une forte odeur d'alcool sur l'homme. Oh, ouais. Les procureurs ont approuvé une accusation de vol. Mais c'est souvent ça, hein. Dans le fond, le secret là, pour faire des vraies affaires vraiment caves, là, c'est le degré d'alcoolémie, ouais. Je pense. Mmh. Tu sais, quand t'as ça, quand t'atteins un certain niveau, tu le sais, là. Mmh. Tu sais, là, après ça, tu peux te laisser aller, c'est plus grave. Ouais. Tu tombes dans le moins, là. Tu peux te ramasser à adopter ta blonde parce que c'est mieux, tu sais. Ouais. Pas dans un but de regarder l'argent pour toi, là. Non. Mais c'est quoi qui va se passer? Ben, il va garder l'argent pour lui. Hein. Ouais, mais il va être en prison pendant 30 ans. Ouais, mais sa femme slash fille va... Ouais. Tout. Hey, parlant de Twilight Zone, on va poursuivre l'émission avec les Galinettes Studios. Rémi Rifard qui nous a encore fait un beau clip avec l'ami Bernacci qui était bien occupé dans le temps qu'il travaillait en étant en train d'être occupé à travailler. Pendant que Dieu, s'il te plaît, clip, on revient pour le reste de l'émission. La matrice, c'était un... c'était comme pour nous expliquer la philo, mais avec du kung-fu. essentiellement. Fait que ça a fait un divertissement efficace, un bon film. Puis par la suite, étant donné qu'ils ont eu beaucoup de succès, ben ils ont eu après ça la liberté de faire ce qu'ils voulaient dans les films suivants. Puis là, ben évidemment, avec trop de liberté, il y a tout le temps des films de marde. Puis ben là, le 2 et le 3 sont vraiment moins bons. Ils sont pas aussi mauvais qu'on dit, mais c'est pas des très bons films. Puis La Matrice, puis il y a aussi des lettres vertes. Beaucoup de lettres vertes qui défilaient, descendaient. Puis il y a beaucoup de Keanu Reeves aussi, je crois. C'est ça, essentiellement. C'est une excellente question. Je préfère être assis sur un canapé, car tu peux y prendre les cuisses de ton voisin. Ben, je suis tout à fait contre, sauf pour cloner des gens dans le but de faire une partie à 4 à Mario Kart 64. Non, je ne réponds pas à cette question-là. Tu veux pas répondre? Je ne réponds pas à cette question-là. Ben, d'après ce que j'ai vu dans l'album Le Cosmo Schtroumpf, tu peux essentiellement te construire une grosse fusée rouge et finalement te faire droguer par tes amis pour que tu t'endormes dans un sommeil dont tu ne te réveilles pas, qu'ils défassent toute la fusée, qu'ils la reconstruisent dans un cratère qui va s'apparenter à la Lune. Puis là, tu te réveilles, puis là, tous tes amis sont comme déguisés en gens qui habitent la Lune, en Lucien, je sais pas comment t'appelles ça. Puis là, tu as l'impression que t'es sur la Lune, en lunier. On a trouvé un mot pour ça? En lunaire, mais pas en lunaire. On n'a pas trouvé de mot pour ça. Tes amis sont déguisés en lunaire, puis c'est ça. Après ça, éventuellement, tu te rendors parce qu'ils te redroguent. Ils défont la fusée, ils la refont chez toi. Et toi, tu as l'impression d'avoir voyagé sur la Lune et ça n'a coûté rien à personne, à part beaucoup d'énergie et de temps. Qu'elle m'apporte de moins en moins de défis. J'aimerais ça ne pas avoir à relever aucun défi et juste à finalement avoir vraiment beaucoup de temps pour faire beaucoup de pistes à Mario Kart 64, essentiellement. Je sais qu'on sortit des nouveaux Mario Kart qui sont supérieurs, qui ont plus de pistes, plus de joueurs, plus de personnages de Nintendo. Mais moi, je m'en tiens toujours à Mario Kart 64 parce que c'est le seul que je possède. Puis, ben, si j'avais juste beaucoup, beaucoup de temps pour faire beaucoup de pistes avec Wario ou Donkey Kong, ben, ça serait pour moi une belle journée. Même si le juge a qualifié son témoignage de malhabile, Philippe Hamelin continue de nier les faits et de clamer son innocence. Je ne suis pas coupable. Je n'ai jamais couché avec mes filles. Je n'ai jamais battu mes filles. Je n'ai jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. La couronne. Son passe, je ne tends pas l'oreille. Et puis des mots qui ressemblent au sang que font les bêtes au bois. C'est à la mode d'être des cons, de raconter sa vie sur les ondes. Papa me touche, ma femme me trompe, les imbéciles c'est malheureux. Faut bien leur faire une petite place, donner la parole. Imbécile, c'est dangereux. Trop, Donc, j'ai été très content d'obtenir des mains de Fred, qui se veut technicien et chroniqueur ce soir. Les cadeaux qu'on va amener dans la tournée de qui s'en vient pour vendre à l'encan, on a, avec le zoom-in, on va mieux le voir, on a l'excellent Grand Papa B, qui ne peut être égalé que par... donc, ça va être le duo de napperons. Qui c'est qui mange avec des napperons? Je ne sais pas. On va avoir ici le livre de Paolo Noël qui va être vendu à l'encan. Est-ce que ça va être à Sainte-Thérèse ou à Shawinigan samedi prochain? On ne sait pas. Soyez là, c'est important. On a ici la Barbie mobile qui est vendue à chaque encan tout le temps. Fait que là, je me suis dit, en l'amenant loin... ça ne reviendra pas, cette fois-là. Sûrement qu'on va être capable de s'en débarrasser, un indispensable. Une fois pour nettoyer. Ouais, c'est ça. On a la série Famille 2000, Famille 2000 Plus, Méga Ultra. Le bricolage, un cahier au complet d'un pouce d'épais avec des belles photos sur comment transformer des douzaines d'œufs en heures et heures de plaisir incroyable. En omelette. Dieu, c'est-à-dire moi, je le propose, ce livre-là, à tout le monde. Je l'ai utilisé moi-même dans la confection de la Terre. Fait que c'est God approved. Dans la confection de la Terre. Donc, il y a Dieu qui peut voyager dans le temps aussi, on dirait. Le temps s'applique pas vraiment. Non, pas vraiment, Dieu, pas à Dieu. En fait, si vous savez. C'est une dimension comme les autres pour lui. Peux-tu aller nous chercher des cheeseburgers? C'est ça, il écoute plus. On va avoir le Parano qui est comme le premier disque de Simon Préjean. Je suis sûr qu'il va m'en donner un autre si j'y en demande un autre sinon. Là. C'est même autographié parce que c'est ça griffe dedans. On a un cadre avec Madame dessus. Et ça va sûrement être en combo avec ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant, qui est une citation... qui sert à être une citation. Là. Ça doit venir de quelqu'un qui est mort, là, parce que ça avait l'air important. On le salue. Une série d'assiettes de Justin Bieber. Il est écrit 2$ de leur roman en arrière. Je suis sûr qu'on va être capable d'aller à 5$. On est capable, tout le monde ensemble. Et bien sûr, le guide de Barbie. Oh. Ça, c'est pour se faire des coiffures à la Barbie. Ah, ben c'est parfait, ça. C'est tabarnak pour vrai. Ah, il est marqué parfait en plus de ça. Ouais. Le parfait guide de la coiffure. Parce que t'as l'autre, là, qui est le moins parfait guide de la coiffeur. Le correct guide de la coiffeur. Lui, il y a une pièce au dollar à main. Conseil soleil, fait sécher tes cheveux. Parce que celui-là, il est tourné 25, je pense. Ma nouvelle frange est géniale. Aïe, aïe. C'est du gros matos. On a ici, j'en ai deux versions. Ça aussi, c'est des affaires que je prenais de moi. C'est comme des œuvres de Shakespeare. Ben, en fait, c'est pas comme. Ce sont des œuvres de Shakespeare. Et c'est à la manga. Donc... Ah ben, ça s'applique bien, moi, je pense. Ouais, ça, en tout cas... Du monde qui sont tristes, là, puis que... Ils n'ont fait deux, là, avec des grosses gouttes à côté de la face, là. Ah ouais. Quand ils voient Satan, là. Y a-tu des tentacules? Un album de Géant. Oh! Géant, qu'on salue, qui est venu nous voir dans une des premières émissions ici. Ça a été le premier à jouer une toune... live. En tant qu'invité de 70%, on va dire, parce qu'on a eu d'autres, des amis. Ah, t'as pas eu, c'était pas... C'était Pedro Pedro, t'as raison. Ouais, bonsoir à Géant, comme l'a dit Dieu, et... Ah non, ça, je le garde. Ça, c'est sûr, c'est... je l'ai retrouvé après la dernière fois, et j'étais très content. C'est un talisman. Il est écrit ici, super porte-bonheur, ultra-chanceux. Tu peux pas le vendre? Non, celle-là, je vais le garder ici. Il y a tous les symboles de la toute-puissance divine, comme le trèfle à quatre feuilles, l'étoile de mer, toutes les choses qui résonnent avec le créateur. Mais tu la patte de lapin? Ils sont toutes là. Ils sont toutes là. Il y a le sel par-dessus l'épaule, ben oui, la carotte, que c'est... le diamant, ouais, ça commence bien. Que ça... On veut les voir. Ah, oh, on veut les voir, j'avoue. Hein. C'est ouais, la salière, puis tout. La salière. La salière est en haut à droite. Mais ben, la salière est pas, elle porte pas vraiment bonheur. Elle... Non, elle est en noir. Oui, attends. Dans la magie noire, le sel sert à fermer le cercle contre les mauvais esprits. Ben voyons, Dieu. Je pensais que tu croyais pas à ça, toi. Mais non, je vais juste vous dire ce qui était dans le 7 jours de la semaine dernière. Faudrait brûler Dieu pour hérésie. Mais non, c'était dans le 7 jours. C'est donc, ça va être... c'est vrai, en plus. va falloir passer aux encans des spectacles à Sainte-Thérèse et Shawinigan qui s'en viennent pour avoir la chance de miser sur ces incroyables prix. Est-ce que... Ce qui nous amène à... la caisse de lait est en... Non, ça, c'est trop pratique, ça, je la garde. Andy Jacques, tu nous as préparé un dossier spécial sur la chronologie participative. Oui, on appelle ça l'astrologie. Okay. C'est que, justement, après... Ah, OK. Chanson thème de Andy. J'en ai un. Oh well. On travaille là-dessus. C'est non, peut-être une de ses plus belles fausses joies à vie. ça accote assez bien quand que ma mère m'a enlevé, en tout cas. Longue histoire. C'est ça. Après avoir montré mon cul, je suis tombé dans les marches, puis j'ai eu une illumination. J'ai immédiatement par la suite rejoint un forum d'astrologues. Puis ça a l'air que je suis l'élu. Ah, ça tombe bien. Ouais. Ah, toi aussi? Ouais, ça arrive. Pablo aussi. Ouais, on va unir nos forces un jour. Mais ça va être dans une aventure subséquente. J'ai décidé de faire l'astrologie parce que je trouve qu'il n'y a jamais assez d'astrologie. Tout simplement. Ça, c'est vrai! Jamais assez. Moi, je pensais là, peut-être là, faire une émission astrologie et cuisine. Ouais, hein? Ben oui. Ça serait bon, vu qu'il en manque beaucoup. On pourrait mettre un 5 minutes, la minute bricolage. Oh, man. Non, juste ça, là. Astrologie. De l'astrologie et de la cuisine, là, c'est sûr, ça pogne. Public, c'est. C'est bon. On va pitcher ça à nos gens en marketing. Donc, tu nous proposes une espèce de chronique astrologique. Ça fait 3-4 ans qu'on n'a pas eu ça à 70%. Non, ouais. On avait de la numérologie et tout, mais c'est fini. Ouais, mais c'est super à mode, la numérologie. C'est tellement 1998. Je pense que ça va revenir à mode à un moment donné. En 2014. C'est prévu. Il est bon, hein? je vous l'ai dit, je suis l'élu. Ouais, vas-y. Éluse. Fait que, aujourd'hui, on va y aller avec l'horoscope classique. Certainement, un moment donné, quand je serai inspiré, on ira vers du moins classique, là, l'Amérindien, le Martien, etc. Donc, j'ai décidé de faire un ramassis d'astrologie, puis de vous faire un pot pourri. On va commencer avec la classique, le Bélier. On commence tout avec Bélier, demandez-moi pas pourquoi. Tommy, t'es Bélier, je crois. Ouais, c'est moi, ça. Je peux hardcore Bélier tout de rotten interior. Comme Céline Dion, Corneille, Michel Richard. Corneille, à Richard. Elton John, Maria Carey. Intéressant. Ben, écoute bien. Puis écoutez bien à la maison, hein, parce que ça peut être très confondant. Puis c'est important que vous écoutiez bien pour bien vivre votre journée, même si elle est à trois quarts passés. OK. Si vous nous écoutez demain, non, mais c'est applicable en archive. Oui, ça peut être rétroactif. Puis de toute façon, la journée, elle dure 48 heures quand on y pense avec les time zones. Les time zones. Ouais. Ouais. C'est vrai. Fait que si vous êtes français, par exemple. Genre. Et voilà. Danny okay, Daniel est présentement en France Danny et il nous écoute. Bon, voilà. Et voilà, un bon exemple. Colin. Donc, la journée promet d'être hyper occupée, mais vous êtes dynamique et ça vous plaît. Amour. Je m'habille en vert. Oui. D'ailleurs, ta couleur du jour, c'est noir, mais on en parlera tantôt. Si vous voulez commencer une relation, c'est pas le bon jour aujourd'hui. Bon. Ne croyez pas trouver derrière un flirt le grand amour, vous serez déçu. Certains confrères recherchent votre amitié. Les amis sont très présents. Sur le plan sentimental, le contact est excellent. Vous aurez de l'entre-genre, du style. Bref, vous dégagerez du charme. De l'art. Mais pas assez, tu sais, parce que... Mais pas assez parce que t'auras pas le grand amour. C'est ça. Juste c'est ça. Assez. Ben, tu vas dégager du charme. Tout le monde va trouver ça intéressant, mais l'élu de ton désir et de ton amour c'est pas aujourd'hui. Sera pas présente au moment où est-ce que tu vas dégager. Ouais, mais ça, on va en parler. J'ai fait un graphique. On va en parler de ça. Ah, c'est bon, merci. Parce que ça aide tout le temps, ça. Pluton, en argent. Moi, j'ai fait deux sections. Dans le fond, amour, argent. Ouais, c'est bon. De ça. Le reste, on s'en crisse. Sac, là, ouais. La santé, si tu vis la journée, t'es correct. Pluton est de votre côté, surveille. Pluton est de ton côté, la pauvre planète. C'est une planète naine, c'est une planète pareille. Ben, elle a encore une influence sur les très astres. Grande, je la sens. Là. Oh, oui, j'espère. Mmh. Est de ton côté. Là, man, merci, Pluton. Surveillez le marché du travail, une opportunité intéressante pourrait vous être présentée. Soit un patron vous donnera le feu vert, soit vous vous donnerez vous-même en décidant de passer à l'action et en faisant bouger les choses. Yes! C'est moi, ça! Vous êtes habile, vous trouvez des solutions ingénieuses aux problèmes qui surgissent. Woo! Faites preuve de prudence afin d'éviter de vous heurter à des conflits qui auront de plus graves conséquences. Chiffre, chance 4, amour 5. Ton chiffre porte-bonheur, 85, ta couleur noire. Non, ton 40. Meilleur moment de la journée, c'est 11. Et Atome Crochu, on va en parler tantôt. Parce que y a vraiment tout un graphique scientifique sur qu'est-ce les atomes. Qu'est-ce qui s'est passé à 11h le matin? Taureau. Ah, je faisais de la roto. Là. Alors, Taureau, pour ça à la maison, on suit, c'est compliqué. Ouais, ouais, ben ouais. Tu seras surtout... pas les 12 signes, toi, là. Pas là, là. OK. Je suis, j'espère. Si vous m'interrompez tout le temps. Ouais, bon, je peux-tu aller plus vite? Là, ouais, ça go, là. Taureau, Ginette Renault, Georges Clooney. Il y a des choix à faire et vous hésitez. Pourquoi ne pas demander l'avis de ceux qui vous entourent? Amour, journée pas très heureuse côté cœur à cause de Mars, la salope. Ah, c'est un votre ennemi du jour. Ouais, moi je l'appelle la salope. Moi, la planète, lui, c'est la planète. Ouais, c'est bon. Si elle s'appellerait autrement, elle aurait la même influence. Ouais, mais de toute façon, elle est rouge. C'est sûr que c'est une fille. Vous ne serez pas sur la même longueur d'onde que l'être aimé, aussi bien physiquement que sentimentalement. Ceux qui cherchent un cœur tendre devront attendre. Chez vous, l'ambiance est riante et détendue. Vos proches vous aiment tant. Vous cochiterez de beaux projets de sortie amoureuse. Cette veille de la Saint-Valentin vous inspire sûrement. Argent. Lui, c'est douze pénibles. C'est lui qui est... C'est l'élu, comment ça, vous savez pas tout ça déjà? Le moment est idéal pour faire valoir vos qualités. Ça, on parle de travail-argent. Votre conscience professionnelle a été remarquée, mais ne soyez pas trop direct. Ne précipitez rien. Les choses viendront d'elles-mêmes, mais prochainement. Vous avez beau tenter de vous organiser, il y a sans cesse quelque chose qui accroche. Ajustez-vous aux circonstances, acceptez les compromis qui vous sont ou vous seront imposés et vous gagnerez des points professionnels. On est une journée chanceuse. Chance 2, amour 3, chiffre, porte-bonheur 75, couleur rose. 75. Ton meilleur moment de la journée, c'est un matin à 10h. Ça peut... Montre-nous ton graphique, là. Ah, ben là, si vous voulez. Ben oui, il faut... Faut qu'on comprenne le graphique, parce que si on comprend le graphique, on va tout comprendre. Dans le fond, le graphique, c'est un graphique des atomes crochus. C'est assez simple. Je l'ai appelé le graphique intelligent d'Andy. Comme vous pouvez voir, les atomes crochus, j'ai mis des L à côté de... Donc, on voit ici, live. Blou. Ouais, s'il vous plaît. C'est pas fou, ça. J'ai un crayon en plus de ça pour pointer. Alors, on voit ici... On voit ici, Verseau, Poisson... Et balance, c'est les losers de la journée. Autrement dit, il n'y a personne qui a des atomes crochus sur eux, mais eux ont des atomes crochus sur d'autres. On a un match parfait ici entre Bélier et le Cancer. Ah, ouais. Donc, Tommy, je sais que tu ne trouveras pas l'élu, mais le Cancer, ça pourrait être ton élu, mais pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Alors, on a ici un chassé-croisé, c'est de toute beauté. On commence avec la Vierge ici. Non, c'est pas vrai. On commence avec le Taureau qui a des atomes crochus avec la Vierge, qui, elle, a des atomes crochus avec le Scorpion. Le Scorpion a des atomes crochus avec le Sagittaire. Et le Sagittaire a des atomes crochus avec le Bélier. Autrement dit, il y a plein de monde qui va se courir après, personne va s'adorer. Puis c'est ça. Bonne c'est chance, ça, mon parce graphique. Sinon, tu pourrais plus faire de l'argent avec l'astrologie. Ah, on peut faire de l'argent avec l'astrologie. Oh, fuck! Il est content. Okay. Hey, c'est donc bien con, ce graphique-là. J'espère que tu vas le manger, man. Hey, j'aimerais ça, mais je sais qu'il est passé où, lui. Ouais, que, c'est ça. On va s'en aller aux nouvelles. On a un nouveau chroniqueur. Ouais, puis j'ai d'autres. De toute façon, j'en ai d'autres. Ah, oui, ouais, on va essayer de pas te noyer d'ici là. En attendant, c'est main droite. Tiens, je vais checker ton œil. T'as l'air de l'avoir difficile. Ça va, main droite? OK, c'est bon. T'as drôlement la même voix que Bruno, main droite. Oui, j'ai pas vraiment, je me suis pas vraiment forcé pour trouver une autre voix, là. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. OK, cool. Veux-tu tienne ta... Non, ça va, je m'en sors bien. OK. Alors, on va y aller avec une nouvelle un petit peu sensationnaliste ici. Alors, comme pour beaucoup de blessures graves, celle de Clay Carpenter aurait pu être évitée s'il n'avait pas décidé de jouer au golf cette journée-là. L'homme de 48 ans est à l'hôpital, se remettant de pertes de sang massives après une perforation à l'artère fémorale causée par ce sport de plus en plus compétitif et dangereux. Cette fois-ci, c'est la vitesse de jeu qui serait en cause. En effet, le groupe de Carpenter golfait plus vite que le groupe devant eux. Mais normalement, le groupe le plus rapide demande au groupe plus lent s'il peut passer devant le groupe plus lent, acceptant gracieusement la demande. Mais ça n'allait pas se passer comme ça. Le groupe plus lent a refusé la demande, ce qui a poussé le groupe de Carpenter d'aller rapporter au marshal du terrain de golf. Parce que oui, ça existe, un marshal de terrain de golf. Ouais, c'est un être très puissant. Le marshal a alors tranché en faveur du groupe plus rapide, ce qui a enragé le groupe plus lent. La guerre pour l'honneur était inévitable. La guerre d'abarnac. Carpenter affirme... Empoignant son frère, toi béni. Ben, Carpenter affirme qu'il était sur, par-dessus un autre homme quand il a été poignardé à la jambe avec un bâton de golf brisé. Les hommes de l'autre groupe affirment ne pas savoir de quoi Carpenter parle et sont sûrs qu'il a dû tomber sur le dit bâton. Carpenter pourrait perdre sa jambe suite à ses blessures. Aïe, man, il est allé relaxer avec ses chums. Il est allé relaxer. Ouais, mais puis il était le groupe trop plus rapide. Lent, il y avait une question de principe. Aïe, hey, c'est assez débile, ça, mon gars. Moi, je veux dire, si t'es le groupe le plus lent, ben... Tu fais rire de toi. Ben, c'est ça, là. Sinon, les quatre autres sont en arrière, puis ils sont tout le temps en train de te regarder, puis de rire de toi. Ça devient très passif-agressif. C'est sûr, et c'est ça. C'est sûr et certain que t'es laisse passer. Voyons, cette petite gang d'épais. Fais-nous un autre, belle mitaine, main droite, que j'adore. C'est bon, je me suis pas encore trouvé de nom, effectivement. Ben, main droite, j'aime ça. Moi, main droite. Ça te va bien. Ou on pourrait l'appeler Bob Brun. Attends, je vais me. Bob Brun! Ouais, ok. Ça va, Bob Brun? Ouais, il y a un petit malaise. Excusez, je voulais juste me replacer à la face un peu. Ok, c'est ouais, ça te va. Je vais t'appeler Baboon. Ah, c'est net. Ok. C'est quand Dieu. Oh, faites-moi ce que vous voulez! C'est genre Caïn, puis Abel, puis des noms cool qui vieillissent bien, puis là, c'est Baboon. Ézéchiel, c'était cool, ça. Moi, j'aimais ça, Ézéchiel. Ouais. Alors, on continue, on en fait une deuxième. John C. Hughes, 55 ans, est accusé d'avoir tenté d'échapper à la police en conduisant à grande vitesse à travers la ville de Butte, Montana. L'homme a commencé par coller au pare-choc d'une voiture de police pendant 7 pâtés de maison avant que le policier ne lui demande de se ranger. Lorsque le policier s'est approché de la voiture, l'homme est reparti plus rapidement sortant sur l'autoroute. Oh. La police a dû utiliser des herses afin de crever ses pneus et d'arrêter la voiture. Lors de son arrestation, pardon, Hughes était totalement sobre et lors de la fouille de sa voiture, aucun alcool ou drogue n'a été trouvé. C'est surprenant, là, c'était pour ça que j'en parlais. Ben oui, il a été arrêté sans aucun autre incident. Le shérif John Wash affirme que l'homme aurait dit aux officiers qu'il avait toujours voulu savoir comment ça serait de se trouver dans une vraie poursuite en voiture avec la police. Il s'est dit, c'est là, man. Ben écoute, c'était dans sa bucket list, il fallait qu'il le fasse. Oui, pour moi, Pluton est avec lui aussi. Ouais. Lui aussi, il commence plein de projets, mais il finit pas. Moi, je pense qu'il est sagittaire. Accusation de conduite dangereuse, je pense, c'est tout. Là. Moi, je pense qu'il est sagittaire. Les sagittaires, généralement, sont comme ça, à brûle pour point. Ah, c'est délu, hein, il y a tellement raison. Hey, merci bien gros, Bob Brun, main droite. Avant de poursuivre, je me demandais, toi, t'aimerais-tu mieux entendre une toune ou voir un clip, un sketch? C'est quoi t'aimerais... N'ayant pas vraiment des yeux qui fonctionnent ou des oreilles... OK. Quelque chose qui sentirait bon, moi j'aimerais bien ça. Oh, c'est bien. Ouais. Je pense qu'on va surtout on va y aller pour nos pénis lance des lasers là, ils ont tourné un clip ici ça sent le bon, ça. c'est québécois, ça vient du terroir, vous allez voir, folk, blues, jazzy, pop, futurisco, techno, mélangé avec un petit peu de death metal. Il y a plein des pénis dedans. Ouais, il y a les pénis dedans, vous allez être contents. Tout le monde aime les pénis. Sinon... C'est bon la musique! Merci. Yo, c'est pas de musique, ça fait vraiment... Ah ouais, t'as yel, toi, frère? C'est pas de musique. Super size! J'écris les arachides, vu que t'es allergique au scotch, je te présente ma carabine. Millions part, il faut boire, pas qu'on pense, vite au bord. Tu vois des filles de toutes les couleurs, la rap multicolore, J'ai une idée de mon gars, c'est d'essayer de vendre le rap. Les MC sont dope, parce c'est moi qui rentre le crack. On est sale pour ready, écoute le game, oublie ça. On fait des rayons par nos graines, Benessi, Hiroshima. En plus, c'est Dylan, puis c'est même un GPS qui te dit où je suis si t'as besoin de Texas. Qui est-ce? Je vis partout comme une piste d'après-baisse. Faut monter secondaire comme un cours de catéchèse. Rayon lumineux concentré au bout de mon urège. Alimenté aux batteries éventrées, je vois plus sec. Tu penses à nous tes cataractes dans le cercueil. Approche-toi de mon bac qui lance des lasers, je t'opère l'œil. Rayon lumineux concentré au bout de mon phallus. Faut des condoms en titane, Wonder Woman, catch l'astuce. Va d'ouvrir la boîte, faut que t'ouvres une canne, j'ai mon pénis. Tu te gazes dans le poil au butane, j'ai mon pénis. J'aime les sensations fortes, goutte au type. Tu finis comme le Joker, pénis, couteau suisse. Au bord avec une mille face, chip une bière. Le seul gars qui peut tuer en sous de chip une bière. NPLDL, prépuce lasérique, okay. En métal et maléfique, métalléfique, nice. C'est pas de balai kids, t'es pathétique, ça paraît que tu veux que j'arrête, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. T'as jamais vu un prépuce aussi métallique et magnifique. Manitou quand je passe tout ce qui est magnétique, des magnétiques. Bon il est juste plus vert que l'incroyable heure. On se disait écœurant, incroyablement bleu. Viens selon ta bouche, bouche, viens selon ta touche. Tout match sa chatouille, ouh, j'aime sa langue. Laisse son trou, bouger juste son bouche, trou maintenant. Piou piou, excellent, piou piou, là l'excédent. Mon pénis lance des lasers, pshhh, pas le tien, gang jusqu'au bout. Pas de frein, nos pénis lance des lasers. Paul tient. Arrête ton mec qui est jaloux quand t'es avec nous et que ça cloue. Tu te reviens avec un black eyes et des points de soudure sur la roue. On est le coup des salles de l'Est, des copines qui rendent leur flex. Ça t'ablote ou vendre le sexe pendant que moi je crame le chef. Tu devrais te calmer. Si je t'atteins, tu deviens un petit rapper palmé. On est sale dans nos rides, les lumières sont éteintes. Dans nos clips, les femelles qu'on achète sont des naines. Décolliste parce que t'es pas assez sale. Mais way back, je m'en rappelle, je jouais dans les corps et le swag. Si j'ai des super pouvoirs avec mon pénis, c'est rendu là. C'est quand j'étais petit, je me baignais des eaux sales du Yamaska. Complètement dérangé, les hanches au dentier. Si je pends du plancher, danse ta bande, est incendiée. Si ça me démange, puis je me gratte le manche, je deviens manchot. C'est pas grave, change ma main en lance-flamme à la Robocop. Fou complètement dérangé, les anges m'envient. La Sainte Trinité fait que les saints descendent d'en haut. Tente au rendez-vous sans faute avec drum gland, guise de gun, I crash le cash, sale con. Internet, c'est moi. Projet final, secondaire 3. T'es-tu une hippie fille? Il faudrait décider. Mes lasers phalliques ont pas juste ça à faire t'épiler. Bande de salopes, lancez vos trompes de fallope dans les airs. J'ai une femme, t'as des ovaires. J'ai vu chez toi quand tu dormais. Juste rien à battre de salopes malhonnêtes. Check-moi des bacs, des pieuses et des salopes japonaises. Bande de salopes, lancez vos trompes de fallope dans les airs. J'aimerais bien violer ta femme, mais je veux une salope plus obèse. Je connais beaucoup de rappeurs dans ce domaine, fait quand j'encontre toute forme, j'y demande. T'as fait l'amour avec un rappeur que je connais. C'est juste le cash que la connaît. J'arrache un pain comme elle, j'tabasse la sale putain. J'en viens la voir à l'hôpital pour la monnaie. Puis un chalet. Mon dick tire des lasers, pas le tien. Fuck Mégatron, même lui, y'a pas un canon de même. Le coq est tellement chic, c'est lui qui fait le chorus, man. Pénis en voie d'extinction. Prépusaurus Rex. Prépusaurus Rex. Mon pénis lance des lasers. Métallurgie hyper pénale. Je sais que t'aimerais que ton pénis puisse lancer des lasers. Macaque. The C's testicles. This technique can be used against attacks from the front, side, or rear. It is very easy to use. It entails reaching between the attacker's legs and crushing his testicles by squeezing hard with your hand. A variation of this technique is a smash strike to the testicles with the forearm. On est rejoint au studio par l'excellent Fred Fournier. En attendant, ben ça c'est mon take sur une pancarte à mettre à l'aéroport là, quand t'attends quelqu'un. Je suis allé chercher Lucie dernièrement avec cette pancarte-là, puis je me trouvais pas mal drôle, fait que je voulais la montrer à tout le monde. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, il est écrit finalement je ne t'aime plus, tu peux rentrer chez toi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, mais j'ai jamais montré l'autre côté, finalement. Il l'a pas montré, le bout qu'il aimait, finalement. C'était non. Pas assez drôle. C'était juste comme un padding, là, mais il y a du monde qui a trouvé assez drôle. J'ai jamais vu l'intérêt de... Fred Fournier, tu nous amènes dans le monde fabuleux des couples, des découvertes de l'amour en cette période de la Saint-Valentin. Ouais, de ceux qui la pourchassent, en fait, hein, dans le métro, dans l'autobus, au Tim Hortons, on a déjà vu ça. Oui, oui, mais le couple Tim Hortons s'est rencontré. Toi, fais ton affaire, là. Ouais, ben, mais c'est ça. C'était une d'aujourd'hui. On commençait avec une d'aujourd'hui que j'ai pris en note. Une d'aujourd'hui, c'est frais, c'est récent. C'est frais. La personne qui entend ça maintenant peut peut-être se reconnaître pour que demain, dans l'autobus... C'est super cool. Je peux même donner l'adresse courriel si le conducteur de métro se reconnaît encore une fois. Oh. Donc, au conducteur, j'ai croisé ton regard pour la première fois un soir d'été. Métro Jarry, direction sud, autour de 22h30. J'étais tout au bout du quai et j'ai vraiment eu le temps de te voir arriver avec ta chemise bleue, tes yeux bleus et tes petits cheveux grisonnants au-dessus de chacune de tes oreilles. J'ai aimé ton air bon enfant, j'ai rougi et je suis entré dans le premier wagon. Tu m'as conduite jusqu'à ma station, Champ de Mars, et jamais je me suis senti aussi bien dans les transports en commun. Elle est bonne celle-là, pareil. Depuis, je vais toujours attendre sur le bout du quai, question de pouvoir te voir au maximum. Je t'ai croisé 4 ou 5 fois, ligne orange ou ligne verte, mais depuis un mois, plus rien. Je suis vraiment déstabilisé par ton absence et réalise à quel point j'aurais dû tenter ma chance. Si vous êtes cons, les gars. Cogner à la petite porte des conducteurs et te demander ton nom. Donc, pour l'instant, j'ai laissé mon cœur aux objets perdus de la STM et j'attends toujours au bout du quai. Écris-moi si tu te reconnais. ultimate_alpha@commercialhotmail.com de la fille du bout. Ultimate Alpha? Ouais. C'est pas un email de fille, ça. C'est pas un email. Peut-être, on sait pas. C'est peut-être une alpha girl. Oui. Oui. Oui, comme chez les loups, là. Ouais. Des alpha females. Ouais, oui, c'est ça. C'est celle qui appartient au mâle alpha. Ouais, oui, un qui s'intitule Samuel. Ouais, il y en a une, c'est sa bottom. Ah, bottom bitch. Ouais, okay. C'est ça. Hey, il y en a un, ça dit Samuel Matteau. Puis là, c'est en caps lock, ça dit message important pour Samuel Matteau. Je me nomme Desmond Hume. Dernièrement, j'ai été victime d'un flash dans le futur et ce que j'ai vu te concernait. Ok, là, il connaît même pas, là. C'était en 2040 et tu avais trouvé l'île avec ta femme Marilyn. Vous vous y étiez installé après avoir fait le tour du monde en voilier. Vous étiez heureux, même malgré le fait que le Québec n'était pas encore souverain. What? Hey, c'est de la grosse livraison aujourd'hui. C'est donc pour cette raison que je tenais à te contacter. C'est elle, la femme de ta vie. Il n'y a plus de doute. En 2040, là, écoute, c'est dans 28 ans, là, fait qu'il c'est mieux d'être la femme de sa vie. T'sais. Donc, on a la preuve irréfutable que c'est pas la fin du monde cette année. Oh. Ah oui, parce qu'il y a Jean Hude qui a eu un flash forward en 2040 puis qui a mis ça dans le métro flirt. Ben, il vient du futur, man. Ben oui. C'est à cause de ça qu'on le sait que ce sera pas la fin du monde. Ben oui, 2012. C'est ça. Moi, je mets du Pablo encore, ouais. Ah ben, faisons un autre, là, c'est le fun. Ça voudrait aussi dire qu'il n'y aura pas de post-apocalyptique en 2019 ou en 2021. Ça, c'est le serpent, c'est le démon, man. D'un coup que tu commences à jouer avec, tu peux jamais... Ou 2029 aussi. Bon, ils vont trouver de quoi pour vendre des cossins, là, t'inquiète. Belle inconnue. Bonjour à toi, belle inconnue de la station de métro Montmorency. Ton look de jeune Lavoisier De jeune Lavallois inspiré du rivage bien connu de Jersey, avec ton manteau noir, tes cheveux bruns courts, ton bronzage discret et ton regard perçant, yeux bleus, on fait craquer mon cœur mature. Tu m'as bien fait rire puisque tu portais à la main un sac à lunch arborant un mot de 4 lettres qui ne devrait pas être habituellement sur un sac à lunch. Tu as dû sortir du wagon de métro de côté car tu savais que un je mot te regardais. De 4 lettres qui de OK. Les autres. OK. Il y en a deux principaux, là. Genre, moi, bit. Ouais. Non. Love. Ah, ah, ah, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Les autres femmes âgées du wagon aussi te dévoraient des yeux. Alors, bel inconnu, au plaisir de te revoir à Laval de Huguette P. Bon, mais Huguette Prou! Huguette, va falloir qu'elle monte la donne, là, parce que si toutes les autres, il aurait pu les avoir... Ah, t'as réussi à te débarrasser du serpent? Ben, un petit peu, là, genre, je le dépose. Puis là, je fais comme, ah, j'ai comme envie de faire d'autres choses avec. Ouais, ouais, puis il n'y a rien à faire avec. Non, il n'y a vraiment rien à faire avec le serpent. Tu peux juste comme essayer de faire poursuivre la courbe, là. Ouais. Pis... Ah, je suis pas capable d'arrêter. Fais une dernière, Fred. Après ça, on va aller faire autre chose. C'est quand même le métro flirt et c'est la première fois que ça me tape pas ses nerfs. Je vais au hasard cette fois-là, donc on prend un risque. Ah, ça, c'était ta grosse récolte de la semaine, mettons. La demoiselle au charmant accent. Lundi 5 décembre 2011, vers 20h, dans le 170 direction nord. Tu es si jolie avec tes yeux de couleur brun et ton joli visage de fée. Lorsque je t'ai demandé si c'était un nouveau téléphone que tu avais, tu m'as charmé en me répondant avec ton accent anglophone craquant « Oui, c'est new. Wow! » Je vais toujours m'en rappeler. Pour au toi. Plaisir de te recroiser un soir. De Malus. C'est de juste... Malus. C'est... Moi, je sais pas si je n'ai déjà parlé de ça, mais moi, ça a toujours comme été un de mes dilemmes dans la vie, genre comme on a-tu le droit d'aller aborder les filles qui dans le métro? Ouais. Puis ouais, toi, tu penses que ouais? Ouais, ouais, on a le droit, ben ouais. Ouais, ça se fait mal, là. Ouais, c'est ça. Mais t'as le droit. Mais il faut vraiment, vraiment que tu trouves un moyen original puis vraiment le fun pour que ça... Pour pas avoir l'air d'un... le Subway Marshall. Challenge supplémentaire, essayer un lundi matin. Ah. Tout le monde a l'air bête, personne va aller travailler, tout le monde a son café ou le nez dans son journal ou son iPhone. On vient-tu de comprendre Garfield? Ouais, je pense que... Pourquoi Garfield n'aime pas le... Parce que tout... Tabarnak. Ouais, non, mais là, si tu parles dans le métro, tout le monde va te regarder puis va t'écouter, tu sais, c'est, essaye. Essaye, ouais. Essaye. C'est bon, c'est, le c'est, défi est lancé. Ouais, essaye. À toi, métro flirteur. Lundi matin, dans le métro. Hey, Dieu, on va-tu écouter un autre clip? Je pense que ça va prendre ça, hein. Bernacchi vient d'arriver, on va revenir, on va parler du film, on va avoir la chronique à Bernacchi, il va avoir encore sûrement de l'horoscope, on a bien bien hâte. La chronique de Bernacchi. À Bernacchi. De Bernacchi. Du Bernacchi. Puis, j'ai un dossier spécial aussi, hein. On a appris bien des choses dans le métro puis le 24 heures, donc il va y avoir des informations complémentaires importantes. Grosse information. Bon ben, vas-y Dieu, push de quoi là? On va aller voir une des plus belles créations humaines, je vous garde la surprise. Oui. Surbase. À 70%. Il y a plus sur fait tout coup de TV. De Ace of Base. I saw the sign. I open up. Gentil, c'est mon petit poney. Il est sympa, c'est... film to dirt last man, a film to dirt last moon, a film to dirt last man, a film to dirt last moon. I'm begging me go there, I'm begging me to go, I'm begging me go there, I'm begging me go to, I'm begging me go there, I'm begging me go there. Avec moi! Le film de ce soir, c'est Tough Cop, version française. Force d'élite avec Jim Gaines, avec Mike Monti, avec Romano Christophe, un duo qu'on a pu admirer, en fait, Romano Christophe et Mike Monti, dans Ultimate Commando. Commando Ultime, c'était un film avec un ninja, Kenzo, puis là, il y avait des explosions de chars. Du gros, gros, gros Teddy Page. Je sais pas si c'est un film de Teddy Page ce soir, je vais pas regarder, mais ça a l'air d'être pas mal le vernis Teddy Page et un qu'on aime. Puis s'il y a Jim Gaines pas trop loin d'habitude, on peut être comme pas mal sûr que ça commence dans cette distance-là. Mais bon, hein, j'aurais dû ouvrir ma page de Wikipédia. En attendant, ça va me faire plaisir de vous faire profiter du pré-découpage que j'ai fait du film. Pour vous montrer des belles séquences, on a commencé tantôt, on a eu une passe de doigts, du miaou. Et puis ben là maintenant, à la une, ben c'est à la 46-50, on va avoir une très très belle passe de bureau, et c'est beaucoup pour ça que ce film-là est excellent, parce qu'on a plusieurs exemples concrets de vraies passes, de concepts douteux qui reviennent souvent, qu'on aime beaucoup exploiter, nous, ici, à douteux.org. Donc, Dieu... Eh bien, je vois que tu n'as pas besoin d'aide. Eh non, du vrai gâteau. Comment dire, un véritable jeu d'enfant. Bon sang, Nick, tu as tué quatre hommes. L'un d'eux était le cousin du lieutenant Carter du narcotique. Et maintenant, il cherche à te coincer. C'était un drogué. Oh, je t'assure, c'est sérieux. Il va chercher à te descendre. D'accord, j'irai le voir. Mais s'il veut la bagarre, croyez-moi, il l'aura. Je savais que tu dirais ça. C'est pourquoi je vais te prendre ton insigne. Il ne veut pas que mon service fasse l'objet de règlement de compte. Si c'est pas une passe de bureau classique, c'est le sergent choqué demande l'insigne du soldat Christophe Romano. Ton insigne et ton badge. Badge et ton insigne. Les deux crimes. Sinon, ben, très très content d'avoir passé au travers d'un bel exemple de passe de bureau. À 1:05:30, on va avoir un autre exemple d'un concept très important et très cher à notre cœur. Et puis en plus, il va nous refaire du minou. Vous allez voir, c'est 1:05:30, la passe d'équipement, concept qui est indispensable et qui peut en fait suppléer à la passe d'entraînement. La passe d'équipement, c'est quand un beau montage habile, le héros, il devient capable d'aller tuer tout le monde. Là, d'habitude, c'est pas mal ça le résultat. Ça supplée à l'entraînement pour aller se venger après. Vu qu'il y a déjà eu un entraînement, là, c'est juste comme plus de choisir ses armes. C'est ça. Voir combien qu'il peut en stocker sur sa personne. Et oui, un montage dynamique. Ouais. Efficace, rapproché. Je suis tiré, il faut avouer qu'il y avait pied. À partir de maintenant, tu ferais bien de raisonner comme un homme. Déplace-toi comme un miaou. Si c'est pas du gros plan qu'on est content. Et puis, bien sûr, c'est un film avec toutes sortes de petits vernis. Romano Christophe débute le film en tirant l'écran de TV qui présentait ce qui aurait dû être des flashbacks du Vietnam de dedans sa tête, mais ça passait à la TV. Comme... Ensuite, Romano va travailler. Il est flic, bien entendu, et sa blonde n'aime pas ça. « Hey, pourquoi t'es encore au boulot? J'ai peur que ce soir tu rentres en dos. J'ai pas de body bag. » Et c'est pourquoi elle va se plaindre en une pause de blonde plate avant de se faire kidnapper par le méchant dealer d'armes et de drogue. Une vendetta personnelle mandatoire s'ensuit et tous les méchants sont morts et ça finit bien. Un body movie de flic dans la plus peu tradition de la manière que c'est supposé se faire. Vous avez vu, là, il était... Ouais. On s'en va tuer du monde, on se fait tirer dessus. Le long métrage de ce soir a l'honneur de nous présenter, pour une des rares fois qu'elle existe, la triade de Mike Monty, Romano Christophe et Jim Gaines. Quoique j'ai un doute pour Jim Gaines, il me semble qu'il ressemble pas. En tout cas, je vais retourner voir là avant d'envoyer des informations qui n'ont pas rapport. Sinon, on a reconnu Romano Christophe puis Mike Monty. Ça, c'est du gros vernis. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que vous préférez votre Jim Gaines méchant ou gentil? Parce que ce soir, il est gentil. Ouais, c'est ça, ouais. Souvent, il est méchant. Il est méchant, ouais. Jim Gaines, gentil, j'ai méchant. J'ai hâte de le voir dans un contre-emploi. C'est ça. Est-ce que le méchant russe du film, c'est le même méchant russe qu'il y a dans Le Saint avec Val Kilmer? Pourquoi je parle de Val Kilmer? Si j'étais Val Kilmer, qu'est-ce que je me dirais à moi-même présentement? Toutes sortes de questions, hein. Sinon, on est face à une des plus conséquentes collections de concepts douteux, comme j'en parlais tantôt. Passe de blonde. Passe de blonde, passe de baise, passe de bureau, fusillade d'introduction, flashback du Vietnam, passe de doigt, comme on a remarqué tantôt. Tout ça avant la 19e minute du film pour en faire vraiment un morceau conséquent, quelque chose comme un gros casse-gueule, là, tu sais, qui goûte bon longtemps, fort, mais qu'à un moment donné, on a souvent envie d'arrêter de le mâcher. Change de goût, là. Et voilà. Tu arrives au goût qui goûte moins bon un peu, mais tu te dis, je vais le toffer, genre, on, pour voir qu'est-ce que ça goûte après. Et voilà, puis tu le regrettes pas, man. Ouais. Puis sinon, ben, si tu peux peser play sur l'autre temps à 1:23:40, une petite surprise, tu sais, parce qu'à la fin, ça tire. Il y a Ninja. J'ai déjà vu cette scène quelque part. Donc, sans même regarder le ninja, il le mitraille. Ce qui vient un petit peu nous prouver que Romano Christophe, dans ce film-là, joue le rôle de ninja, car seul un ninja peut détruire un autre ninja. Et aussi, ça confirme un peu que les ninjas ne se battent jamais la nuit. On est en plein jour avec un ninja de saut de nuit. Et voilà, oui, c'est vraiment fait d'avoir mauvaise déco. Sinon, la petite dernière séquence qu'on adore à 1:26:40, encore une fois, un classique invulnérable, à douter, on les adore. Ah non, viens de le perdre, Dieu, viens de le perdre. Tant sur l'éclairage pour qu'on voit le montage en haut. Ah, voilà. Et donc, on se doute un petit peu de ce qui se passe. Il y a comme des pales d'hélicoptère. Il est accroché en dessous. Il y a une grenade. Que va-t-il? Remarquez bien la maquette. Oh, wow! Peux-tu le remettre, le bout de l'explosion? Checkez bien comment que... À droite, là, vous allez voir la pale, l'espèce de... Puis là, il y a l'autre qui est fier. Donc, un excellent film à voir en famille, la manière avec qui t'es. Ce qui nous amène avec Julien Bernacchi qui vient de nous rejoindre en studio. C'est exact. Toi, t'es équipé d'une semaine d'aventure fabuleuse. Oui, j'ai acheté un nouveau jeu. Arrête donc, tu t'as acheté un nouveau jeu. Ouais, Xbox. OK. En fond, c'est à 3DS pour que je puisse l'emprunter. Non, ça devrait être une 3DS pour ça. Ouais, c'est vrai. On va jouer avec. C'est ce que tu fais avec ta 3DS, c'est pas ça. Bah là, je peux jouer avec en ensemble. Ah ouais. Ah ouais. Je viens de remarquer que sur ma TV, il y a un sticker de choc, puis que c'est comme la seule pub qu'il y a. Où que ce soit. Ah, non, la version de Choc FM. C'est en 3D pour vrai. Ouais, quand tu joues, là. Ce qu'il y a là, à Mario. À Mario. Ouais. Fais ta chronique là, pendant que. Non, non, mais on me dit qu'on a quelqu'un qui est sur le Twitter de Val Kilmer, donc on va savoir bientôt qu'est-ce qu'il pense en ce moment même. Oui, sûrement. On va savoir. Moi, je pense que ce qu'il pense, c'est hey, où ma drogue, ou je peux avoir plus de drogue, ou ah, c'est que c'était le fun de prendre de la drogue, quelque chose de genre. Non, il est plus de même depuis qu'il a pris du poids. Ah. Depuis la mort de Whitney. Ah. Mais tu vois. Que... Non, non. Ah bon, c'était une fausse rumeur sur Twitter. Oui. Fait que je parlais cette semaine, on se souvient tous de la bande dessinée Mouse de Art Spiegelman. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Ben c'est ça, c'est un classique, c'est un bon livre. C'est le, on le rappelle, le récit biographique de l'auteur qui suit son père, qui a survécu au camp de concentration. Fait que ça devient comme plusieurs récits en même temps. C'est très profond, puis c'est la seule bande dessinée qui a gagné le Pulitzer. Mais dernièrement, il est sorti quelque chose de tout aussi intéressant. Mouse. Non, Mouse existe déjà. Cats, pardon. Cats, qui est un pastiche de Mouse, où est-ce qu'il a juste repris la bande dessinée en entier, puis qu'il a remplacé les faces des souris par des faces de chats. Pas pour vrai. Les faces de tout le monde, en fait, par des faces de chats. Pour vrai, là? Oui, oui, ça existe. C'est, mettons, pour ceux qui aiment plus les chats que les souris, ben là, peuvent avoir la même réflexion, histoire. Il n'y a pas de blague là-dedans, à part de la BD en soi. Ouais, le moteur de la réflexion était le choix de représentation par Spiegelman des diverses ethnies dans son œuvre. Les Juifs sont des souris, les Allemands sont des chats, les Polonais sont des cochons, etc. Cet usage paraît résonner avec un film caractéristique de la propagande nazie comme Der Ewig Jude, le Juif éternel, qui dépeignait le Juif comme une vermine éradiquée, des créatures misérables et indifférenciées, conspirant et se mouvant comme des rats dans des réseaux souterrains, amenant la peste avec eux. Une image certainement populaire et parlante quant à cette fameuse coalition juive formant un lobby d'influence invisible. L'image du rat prend toutefois davantage d'ampleur quand elle doit s'articuler avec celle de son ennemi éternel, le chat. Le duo chat-souris acquiert une naturalité manichéenne. C'est dû en partie à leur territorialité spécifique. Cette bipartition n'est pas sans conséquences morales qu'entraîne le nombre de ses acteurs spécifiques, la relation latente des chats dans un invisible maître, le rôle de chaque espèce dans le foyer, etc. Ben voyons donc. Je te le dis, fait qu'ils font comme une réflexion, tu sais, dernier paragraphe. Il y a quelque chose de rétifiant dans cette répartition des rôles selon l'origine ethnique entre chat, souris et cochon. Il va de soi que tous les protagonistes de l'époque appartenaient à la même espèce capable du pire, qu'il n'y aurait aucune répartition naturelle des rôles. Si tel était le cas, les nazis auraient eu raison. Après tout, l'essence d'un chat, c'est d'être prédateur. L'essence d'un rat, c'est d'être un rongeur parasite. Il n'y a aucune espèce de conclusion morale à en tirer. Ce sont des rôles impartis par la nature et en tant que tels, ils sont fatals. Fait que lui, tu comprends que ça, la réflexion, c'est qu'il se disait, tu sais, qu'on se donne, tu sais, comme le chat, c'est le prédateur naturel de la souris, mais c'est qu'à un moment donné, ça devient manichéen comme ça, puis ça donne raison aux nazis si on pense ouais, de même. Ouais, ouais. Genre. Alors. Fait que là, il fallait qu'il fasse l'inverse, fait plaisir à tout le monde. Disons. Sacrément. Les réactions sont un peu hostiles sur Internet par rapport aux livres. C'est pas grand monde qui a l'air de l'apprécier. Ben non. Ben, c'est un petit peu niaiseux. C'est un peu épais. Ouais. Alors, la réflexion peut être intéressante et aucune œuvre est trop sacrée pour qu'on ait le droit de la remettre en question, mais ça reste que ça ferait un meilleur travail d'université qu'une véritable publication légitime. Et surtout, je vois un moyen vraiment facile de se faire du capital et de se faire parler de soi en prenant l'œuvre d'un autre. Quelque chose que je trouve très noble. Alors, moi aussi... C'est une intro, là. Alors, moi aussi, j'ai décidé de copier ces gars-là qui copient eux-mêmes l'œuvre d'un autre et en mettant des animaux... Ouais, c'est ça, là. En mettant d'autres animaux dans des œuvres déjà établies. Oh yeah! Ouais, c'est ça. Mais là, finalement, il y a eu un problème au parking aujourd'hui, ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup de temps pour écrire ma chronique. Parce que la barrière à l'entrée du parking m'ouvrait plus. Arrête donc, toi. Ouais, fait que là, j'ai eu genre une demi-heure. mais t'as manqué ça, on a mis ton entrevue tantôt avec Rémi. Ah ouais, j'ai mis au parking. Ouais. Bon. Ouais, elle connaît un bon succès. On y était. Ah ben oui, c'était un... alors, il y avait les tuniques bleues, mais avec des tortues. Ce serait genre la même affaire, mais 200 pages à la place. OK, à ce ça. Ouais. Ça s'applique à n'importe quel BD autre que les tuniques bleues. Ah ouais, ça aurait pu être des escargots aussi. Ouais. Lucky Luke, mais avec des chiens saucisses. Il n'y a pas de gag. parce que t'as pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Puis c'était juste chien tantôt. C'est parking. Donald Duck, mais avec des humains. Ce serait genre la même affaire, mais il habiterait à Humainville. Ensuite de ça, Batman, mais avec des chevaux. Fait qu'il serait genre un cheval chauve-souris tourmenté là, par la mort de ses parents. Puis ça, c'est drôle, cette image de tous les autres en cheval. On continue. Tintin, mais avec des hiboux. T'sais, tout le monde, c'est des hiboux, genre, à la place. Puis Milou serait genre un nain en laisse, à la place. Pour, ouais, c'est drôle, ça. Ouais, c'est une drôle d'image. J'ai pas été capable d'aller plus loin que ça. J'ai genre une demi-heure. Boule et Bill, mais que genre, Boule, c'est un chien, puis Bill, c'est un humain. Ou comme l'inverse, là. Puis là, Caroline, la tortue, serait genre une petite slot. Puis. Gaston. Ce serait une tunique bleue. Une tunique bleue, genre. Gaston, mais avec un paresseux. Puis là, Gaston pourrait genre dormir toute la journée au travail, puis là, il dirait genre, « Mais enfin, vous êtes vraiment surpris que je sois paresseux au boulot, oh là là! » C'est ça, en rafale. Bruno est conquis. Non, t'es pas en rafale, parce que là, il y avait comme des jokes un peu, mais... Blake et Mortimer, mais avec des pieuvres. Gaston, mais avec des vautours. Là, il y a un gag. Ouais. Les nombris avec des dindes. Tu sais, les nombris. Bon. Ouais. Les schtroumpfs avec vu des. Vu que les dindes, ça n'a pas de nombris. Vu que c'est toutes des petites dindes, là. Ah, ok, okay aussi, genre... en plus. Ouais, celle-là aussi, ouais. Il y en a du niveau. Tu l'as poussé à rajouter une joke. Yes, là. Voilà. Non, elle était déjà là. Mais bon. le scrammer stash avec des mouettes. Filémon. Les avec... galaxiens, tu veux dire, ça serait des mouettes. Ça s'est arrêté okay. Là. Il n'y a même pas de point. ouais, ok. Et les galaxiens. Parce que si les galaxiens, c'est des mouettes, ben le scramustache, c'est pas une mouette. Ok, ouais. Voilà. Ben là, ils vivraient pas avec le scramustache. Ensuite de ça, Filémon avec des girafes et en terminant, Mafalda avec des canards. Ah, ça, j'aime ça. Voilà, alors c'était ma. C'était ça. Ça, j'aime ça. Ben, ça vous apprend l'existence du livre, quand même, 4. Ça existe oui. Bel et bien. Ouais. Et, oui, oui, oui. C'est ça, il, aussi, vu que ça leur appartient pas, les droits de tout ça. Et qu'officiellement, Art Spiegelman, il sait que ça existe, puis il a pas donné son aval au projet. Malheureusement. Ben, non, ben. Malheureusement. Ah ouais, ben, oui. Ben, tu sais, ça leur appartient pas, fait que ils ont tous des pseudonymes, puis c'est pas distribué en librairie, mais ça existe. C'est le donner gratuitement à Angoulême aux gens. Puis ben là, on leur donne de l'attention. Puis moi, je leur en donne un petit peu plus aussi. Ben ouais. Oui, pour, s'il vous plaît, continuer à faire ça. Oui. Alors, Katz, K-A-T-Z, pas cher Chambault, mais probablement sur eBay, 39,99. ISO Hunt. Voilà, ouais, sur ISO Hunt. Ouais. Pour lire sur votre iPod. Ah ben, merci bien gros, Julien Bernatchez. Ouais, merci, Julien. C'est encore un gros dossier. On va aller écouter une toune, hein? Ouais, ouais, on vient de parler longtemps, là, puis on va vous donner un petit break. C'est le temps d'aller pisser, de peser pause, aller chercher un muffin, peut-être aux carottes, hein? C'est bon pour les boyaux. À douteux.tv, la télé des délaissés. We'll be right back. de retour. T'es dans la lumière. Ah ouais, c'est ton tour. C'est tu nous as préparé un dossier de nouvelles internationales tirées du métro. Ben, en fait, ouais, c'est ça, dans le journal métro, puis je dirais surtout le 24 heures, en fait. OK. Donc, l'excellent 24 des heures. Des nouvelles importantes. Vas-y, ouais. Mon gars. Alors, on va commencer avec Stephen Harper. Yeah! Il est allé en Chine. Yeah! Faire un zoom-in, tu sais. J'ai bien aimé cette photo-là parce qu'en fait, contrairement à la croyance populaire, comme quoi Stephen Harper est allé en Chine pour signer 34 ententes d'échanges commerciaux et d'investissements en Chine, en fait, il est allé là-bas pour adopter un panda. Ah! Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ah, mais le panda, il va être 5 ans, t'as mon tour, 5 ans. Ouais, ça va être son fiscal advisor pour les affaires internationales. La mascotte du Parlement. Breaking fiscal news. Advisor. Huggy est malade. Hein? Huggy? Non. Ah, c'est le chien qui va gagner un Oscar. Ouais, c'est le chien qui va peut-être gagner un Oscar. Il a fait une page complète dans le Journal de Montréal l'autre fois. Ben, pas très bien. Il va peut-être gagner un Oscar posthume. Hey, c'est mais bien. Comme ça va de même. Je vais lire la nouvelle parce que c'est quand même important, c'est, rapidement. Là, donc, ça dit, le chien Huggy, vedette du film muet The Artist, est au repos forcé. Donc, agence QMI. Le célèbre animal qui a connu la gloire grâce au cinéma ne peut pas prendre sa retraite pour la couler douce. Il est atteint d'une maladie incurable selon son dresseur. La brave bête souffre d'un syndrome mystérieux qui provoque des tremblements, a indiqué Mr. Muller au site Internet 7 sur 7. Il a ajouté que les spécialistes ne peuvent expliquer cette forme de dérèglement neurologique. Et on dit c'est un malaise. C'est comme du Parkinson? Ouais, c'est du Parkinson pour chien. Du Parkinson. Du Parkinson. Et on dit que c'est un malaise qui tombe mal, car le malheur n'est jamais le bienvenu, mais le dresseur de Huggy considère qu'il a particulièrement mal choisi le moment pour se pointer, car le chien connaît le plus gros succès de sa vie. Oh. Et, ben oui, dans la tous Oscars, dans la cadre de la photo, ça dit que Huggy n'emmène pas large. Oh non! Oh, donnez généreusement. À douteux.org. Tous les fonds vont aller à Huggy pour qu'il. On va tout passer ça dans notre cœur pour aider Huggy. Pour avoir les droits pour faire un screensaver. J'ai appris aussi dans le journal, en fait, il y avait un gros feu de forêt en Grèce, mais qui se situe principalement au centre-ville d'Athènes. Donc, c'est un feu de forêt qui est impossible à stopper jusqu'à maintenant, donc ça perdure ce soir. Et oui, croyez-le ou non? Scott Gomez a scoré un but. Ah ouais, il paraît. Olé, on fait une série. On fait une série. 5 de suite. 5 de suite, on gagne à soir. On fait une série. Faut juste pas qu'il en perde. Seulement. Sur ou qu'il en gagne 20 de suite. Ouais, c'est ça. Quelque chose genre. C'est sûr, c'est fait. C'est dans la poche. C'est sûr qu'on fait les séries. Parlant de faire les séries, Bruno. Ouais, justement, j'ai une nouvelle sportive. Oh, Chris, c'est cool. Non, ça. C'est même pas vrai. Ah, ben, j'aurais aimé ça, mais ça. Scott Gomez a compté. Ah, ben, j'avais une boîte de Frosted Flakes, là. C'est Tony le Tigre qui joue au hockey. Puis, on va faire les séries, même. On va faire les séries, ouais. C'est un autre signe. C'est ça. Tony, à l'intérieur, avant, ça montre comment le dessiner. Regarde, tu commences ici, là. C'est bien facile. Ici, regarde, tu fais un trait. Puis là, ça ressemble à ça. Puis là, après ça, tu refais comme une autre batch de traits. Tu t'en fais une autre. Puis là, tu fais comme encore plus de traits. Puis voilà. Pow! Pow! Tony le Tigre. T'es rendu que t'as dessiné Tony. Ouais, il est beef en Chris. Il s'est entraîné tout l'été pour jouer au hockey. C'est le goon d'équipe Kellogg. Ça a l'air qu'il a pris 40 ans. Le goon d'équipe Kellogg. Qui est complété, bien sûr, par Cornelius Lecoq. Cornelius Lecoq. En réalité, c'est que le dessinateur s'est fait prendre à voler du change dans la machine à café. Ils l'ont mis à la porte et le nouveau dessinateur, ben, c'est ça. Il dessine différemment, finalement. Chris, qu'il y a assez des affaires, Dieu. Dieu, c'est tout. Hey, fait qu'avec ça, tu nous shoots ta dernière, dernière nouvelle, Bruno? Dernière nouvelle, des pompiers ont été appelés après qu'un homme soit resté pris dans un ascenseur, dans l'ascenseur de son édifice à condo à Chicago. Un pompier est embarqué dans l'ascenseur adjacent afin d'aller se placer à côté de l'ascenseur en panne, de sortir par la trappe du plafond, de transférer l'homme d'un ascenseur à l'autre. La manœuvre est allée selon le plan, mais le deuxième ascenseur est ensuite tombé en panne. Piégeant les deux hommes. un ingénieur de Otis Elevator Co. est alors arrivé à la rescousse en remettant le levier de l'ascenseur et en manœuvrant l'ascenseur manuellement. Personne n'a été blessé, donc les pompiers ne pouvaient plus rien faire et il a fallu qu'ils appellent le gars de la compagnie pour qu'il vienne peser sur reset. Oh, l'ascenseur, oui. L'ascenseur. C'est vrai que ça servirait à prenez l'escalier, prenez l'escalier. Hey, petit dernier clip pour le show d'aujourd'hui, puis après ça, on va poursuivre. Monsieur lui qui tente, là. Sinon, Chet Atkins est bonne, la toune. Elle est bonne, moi, je dis. On va mettre Chet Atkins avec l'excellent Mark Knopfler. Ça, c'est du bon stock. Ils ont fait Cosmic Square Dance. À 70%. À douteux.tv. Douteux.tv. J'ai hâte d'aller au brouhaha manger des côtes levées. C'est qui le plus délaissé? Ah, moi, je suis le plus délaissé. Douteux.tv. Hey! Télé délaissé. Surtout qu'il en reste comme 10 autres. Il nous reste 15 minutes. J'aurai pas assez de temps. Fait qu'on va y aller en accéléré. De toute façon, on s'en sac un peu. Là, la journée est passée. Non. Vas-y, gros. Gémeaux, y a-tu quelqu'un qui est Gémeaux? Non, y a-tu quelqu'un qui est Gémeaux? On s'en crisse, fallait pas. C'est tant qu'il y a Boom Desjardins qui était dedans. Bon, non, ben, je vais sauter par-dessus les Gémeaux. De toute façon, on s'en sac un peu. Ouais. Je fais rien que dire, par contre, les Gémeaux, vous êtes un signe chanceux. Chance 4, amour 4. Chiffre porte-bonheur 91, couleur du jour beige. 91, meilleur beige. Moment de la journée. Meilleur moment de la journée, 13h. Atome crochu, Capricorne. Cancer. On a-tu du cancer? Non, évidemment. On le souhaite à tout le monde. Cancer, on saute par-dessus. Je vais faire encore la même affaire, donc en passant, votre candidature va être envisagée pour un nouveau poste. Ceux qui ont un nouveau poste, là, ça va passer. Ceux qui ont le cancer, là. Ouais. Cancers, ouais. Vont... Alors, chance chanceux, 5, beige. Amour 3, chiffre porte-bonheur 88, couleur du jour rose. Meilleur moment de la journée, 17h. Le mien aussi, c'est tu vas aller voir. Puis, atome crochet avec les béliers, Tommy. Oh, un pensez-y bien. Yes! Lion! Lyon, dans Lyon, on a Barack Obama, Linda Lemay, Madonna, ouh! Sean Penn, Mick Jagger, Whitney Houston. Oh. Elle aurait eu une belle journée aujourd'hui, elle, pourtant. Ted Pryor, pour ceux qui s'en rappellent. Mike Danton! Ouais, Mike Danton. Danton! C'est qui était aussi vieux que la terre. Ben, lui, je vais le faire parce que Danton, il est là. Amour, vous avez des ailes. Whitney. Danton a des ailes. Ouais, Whitney aussi, elle a des ailes. Hein? Vous voici doté d'un grand pouvoir attractif. Et vous le vérifierez au quotidien. Un enfant devrait vous apporter joie et bonheur. Elle criait pas sa fille, justement? Mmh. Ok, j'arrête. Est-tu trop tôt? Tu penses-tu que c'est sa fille qui pousse trop tard, je pense. Moi. Trop tard, hein? Ouais. Votre bien-aimé se sent tendre. Versez-vous deux verres de vin et proposez une soirée en amoureux. Vous avez tous les atouts en main pour réussir votre vie amoureuse. D'ailleurs, vous allez trouver la voie du bonheur très bientôt. Sortez avec des amis. Amusez-vous. Attention à l'impact de Jupiter. C'est Jupiter. Qui pourra vous rendre trop optimiste dans votre métier. Chance 4, amour 5. Chiffre porte-bonheur 76. Couleur du jour blanc. Meilleur moment de la journée, 15h. À ton crochet avec les lions. Ah, cool. Ça veut dire qu'eux autres, ils loupaient. Ah oui, j'avais oublié dans mon graphique de tantôt, les lions, ils s'aimaient eux-mêmes, comme d'habitude. Tout le monde connaît les lions. Très narcissique comme bête. Nous avons tous vu Vierge, le roi lion. Des lions. Vierge, je vais passer ça super rapidement. C'est pas si intéressant que ça, ils sont vierges. Ouais. Chance 3, mot 3, chiffre porte-bonheur 92 et vierge. couleur du jour, bleu marine, pas bleu royal. Brun marine. Bleu marine. Meilleur moment dans la journée, 15h, à ton crochu, scorpion, mon numéro de téléphone, 514-903-8383. Mais c'est quoi ça? Faudrait pas que tu interroges les astres de cette façon-là. L'élu a raison. S'il vous plaît. Balance, on a Fred qui est balance. On s'en balance. Fred. T'as-tu bientôt fini? Bientôt, là. Regarde l'horrible avec les chats. Si vous m'interrompez, je pourrai jamais finir. Puis je pense que c'est une connaissance qui est nécessaire. Bravo. Balance, Fred, d'ailleurs, comme Éric Lapointe, Christopher Reeves, que Dieu ait son âme. Oui. Et sa chaise roulante. Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jean-Jacques Goldman, rien de moins. Vous êtes positif de nature. Jean-Jacques Goldman. Vous êtes positif de nature. Cela vous permet de trouver des solutions lorsque tout le monde s'affole. Amour, gare aux ennuis sentimentaux, Fred. Ennuis que tu es parfaitement en mesure d'éviter. Je pense que je vais te le personnaliser. Si tu veux recevoir, accepte de donner, Fred. Les relations en sens unique entraînent toujours des frustrations, puis ça, tu le sais. Mise sur le dialogue, ça sera l'occasion pour toi de te rapprocher de ta bien-aimée. La relation amoureuse semble au beau-fils, j'en parlais avec Myriam justement, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Elle veut pas qu'on la nomme. Célibataire? Non, fait qu'on oublie ça. Je vous rappelle que ces conseils-là sont juste bons pour ceux qui sont dans ce signe astrologique-là. Oui. Toutes les autres, écoutez pas ça. Ben, s'il vous plaît. Relation à sens unique, allez-y. Ouais. Pas de dialogue, si possible. J'accélère parce que le reste, c'est de l'argent, puis on s'en sac. Opportunité en or, tu vas t'impliquer dans des nouveaux projets. Moi, je dis que son numéro chanceux, il va être en bas de 20. Tu t'es trompé. 114. Chance 4, Fred. Amour 4. Ton chiffre porte-bonheur aujourd'hui, 48. Nah. Ton chiffre du ta couleur du jour, c'est rouge. Meilleur moment dans la journée, 17h, atome crochu, cancer. Là, je vais vraiment prendre un 15 minutes sur celui-là, c'est le mien. Scorpion, je suis avec Marc Labrèche, Fabienne Larouche, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Lise Wattier, rien de moins. Nanette Workman, je l'adore. Hein. La lune est dans mon signe, ce qui me rend très magnétique. D'ailleurs, j'ai pu expérimenter ça tantôt dans la cuisine. On vous suit du regard. Amour, la planète Vénus évoluera aujourd'hui dans mon ciel astral. J'ai tout checké ça. Je vais donc être en droit d'attendre beaucoup de l'amour. Ça nous trahit encore. Joanne et Pirlo avec des renards. Je sais plaire. Ah, c'est bon. Chérie ou ce bel inconnu qui ne résistera pas longtemps. Oui, oui. Sortie très animée. Vous ne pouvez plus attendre que l'amour se pointe à l'horizon. Vous devez agir, à moins, bien sûr, que vous ne soyez déjà très amoureux, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce soir, je suis au brouhaha. Non, c'est pas le cas. Ne pensez plus au travail. Aujourd'hui, c'est une journée sans fait particulier. Ben, j'ai fini ma job, fait que c'est qu'on s'en sert. Chance 5, amour 4. Il est en train de se lire son horoscope, c'est fait. Chiffre pas de bonheur, 59, couleur du jour, vert. Meilleur moment dans la journée, 16h. C'est vrai, je foutais rien à ma job. À ton crochet avec les Sagittaire, qu'on va aller visiter bientôt. Puis... Sagittaire. Simon Chénier. Simon Chénier, Sagittaire. Ah, ouais. Ah ben là. Ah, puis moi aussi, officiellement, non, je suis Sagittaire. C'est sûr que c'est pas rendu. Ah, t'es même pas Capricorne? Ben, dans la vraie horoscope avec le nouveau 13e signe, je suis Sagittaire. Ah, ok, parce que je peux te dire les deux. Ouais, c'est ça. Ah, je me rappelais Chénier. Qu'on avait dit pas d'horoscope, hein, à notre show. C'est ton problème. Ça, ok, ben, Kevin Parent, Francis Cabrel, Tina Turner. Quoi que j'entends parler de Kevin Parent? Steven Spielberg, Claudette Dion. C'est tous des Sagittaires. Je vais accélérer un peu parce que j'ai Tommy qui se plaint à côté de moi. Quelle fois tu te dis ça? Chance 2, amour 4. Chiffre porte-bonheur 37, couleur du jour marron. Meilleur moment de la journée, 17h. 17h, ça a été une grosse heure aujourd'hui. Ça a été pas pire, mais vous allez voir, tantôt ça va aller. C'est l'heure que tu finis de travailler, tu sais, en général. À ton crochet avec les béliers, fait que Bruno, Tommy, Bruno, Tony. Capricorne, Bruno, ça a l'air qu'il est aussi Capricorne, et Simon Préjean. Véronique Cloutier, Tiger Wood, René Angélil, Bernard de Rome, David Bowie, Gérard Depardieu, Simon Boisvert. Simon Boisvert est un Capricorne. Si vous voulez, je vais sauter aussi parce que c'est plate en tabarnak. Faites attention à Jupiter. Là. Jupiter, il est dans votre... Quelle couleur? Chance 3, amour 3, chiffre porte-bonheur 11, couleur du jour... Je viens de recevoir un appel important de la part d'Étienne Forêt, qui n'était pas là ce soir. Alors, en musique de fond, il a demandé à ce qu'on offre à Julien. sachant son thème qu'il avait choisi. Il avait choisi précédemment pour Étienne le thème croisade. Les croisades, très inspirant comme les thème. Croisades. Alors, il t'offre une chanson de l'album de Ronald McDonald, la chanson d'ouverture qui s'appelle Chevalier de la belle humeur. Merci Étienne. Merci aussi Andy, c'est... C'était pas vraiment de ta faute, c'était plus le matériel que tu nous présentais. Hein. C'est... Non, j'ai préparé, c'est... ça m'a pris une journée et demie. De déchirer les cartes du ciel. Ainsi grandissait leur corps. C'est Ronald, ça? Ronald est un petit malin. C'est le narrateur. S'il fait rire, c'est qu'il sait bien que plus on rit, mieux on se porte. Voilà pourquoi les compagnons entourent ce joyeux luron qui les enrôle et les regroupe. Hein, Ronald? Oui, mais il nous faut encore du renfort. Ça, c'est Ronald, ça. Viens, ça, toi aussi, grossir ma troupe. Nombreux, nous serons bien plus forts. Plus forts, c'est quoi? J'ai pas de vidéoclip. Ah, je continue. Hein. Oh, ouais. Ouais. Ah, non. je t'ai rendu où, là? Couleur du jour, marron. Meilleur moment dans la journée, 17h, bélier pour le cas des Sagittaires, mais ça, j'avais déjà dit. Non, je t'ai rendu à Capricorne, c'est vrai, je suis désolé. Couleur du jour, gris. Meilleur... meilleur moment de la journée, 18h. Atome crochet avec les lions. Chance 3, amour 3, hein, les Capricornes. On est très milieu. Bon, ben, Verseau. Amène la caméra, Julien. Là, et on va le laisser... Bon, ça suffit, tu te tais. Non, mais tu peux continuer, là, il va juste baisser ton micro pendant que... Mais non, t'es-tu bipolaire? Arrête, oh, tu peux continuer, c'est arrête. C'est pas moi qui en voulais plus. C'est la fin de 70% oui! pour cette semaine. On s'en va au brouhaha manger des côtes levées. Merci beaucoup à i3D Scope, qui est notre fournisseur officiel d'ordinateur présentement. Très apprécié. Le contenu et le contenant devraient ne cesser de s'améliorer. Andy? Oui. Et alors, les Verseaux, si vous voulez transformer votre film 2D en film 3D, contactez i3D Scope. i3D Scope, c'est pas comme du rince-bouche. i3D Scope. Merci beaucoup à Fred Fournier pour ses nouvelles internationales et son flirt qui n'était pas Metro Flirt cette semaine. Julien Bernatché. Merci. C'était ma meilleure chronique, je pense. De la grosse recherche. Là, ta troisième meilleure. Dans mon top 3. Bob et Bobette. Moi, je me disais quand je laissais aux boys. À gang. Au chum. C'est bon. Simon Préjean en tant que Dieu, parce que Dieu, c'était pas vraiment lui. Sinon. On aurait eu à jaser longtemps. Non, mais on sait pas. What if God was one of us? Ensuite, Andy Jacques, Verseau, s'excuse. Julien, Carte Harmonie, Chance 2, Amour 2, Chiffre Porte-Bonheur 22, Couleur Violette. Son micro est maintenant coupé. Bruno Corbin aux nouvelles. Et à l'éditorial, c'est Bruno a raison. Et main droite aussi. Ah oui, dans le rôle de main droite, on paye, Colin. Et moi, c'est Tommy Godette au micro qui vous souhaite une excellente semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Pour plus de 70%. Douteux.tv reste live au moins toute la nuit. Ça devrait pas arrêter avant longtemps. On va écouter Top Tough Cop. Mettre d'autres affaires au hasard. Vous allez voir, ça va être fort. Douteux.tv, la télé des champions. Hein? Bien mieux. On change. Déjà, on se dit déjà bonsoir, mais on reste près de vous. Jusqu'à lundi, on pense à vous, à notre prochain rendez-vous. C'est vrai, on ne se dit pas souvent qu'on est bien ensemble aussi. On veut vous dire au moins merci d'être là pour nous, mes amis. Ciao, bon week-end, à lundi, bye bye.